Le loup ne mit pas longtemps pour arriver devant la maison de Mère Grand. Le petit chaperon rouge était loin derrière. Le loup s'approcha sur la pointe des pieds et frappa à la porte. Toc, toc, toc! Qui est là? Demanda Mère Grand. C'est votre petite fille qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre, répondit le loup en imitant la voix du petit chaperon rouge. La pauvre grand-mère ne s'aperçut de rien et cria du fond de son lit « Tire la chevillette et la bobinette, chère rat !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit aussitôt. Toute griffe dehors, il ouvrit son énorme gueule, montra ses dents pointues, se jeta sur la grand-mère et la dévora sauvagement. Le ventre rond comme un ballon, le loup se lécha les moustaches. Ensuite, il ferma la porte, enfila le bonnet de nuit et les lunettes de Mère Grand. Puis il se coucha dans le lit pour attendre le petit chaperon rouge.